Retro Nouveau. Hello tout le monde! Salut tout le monde! Fait que bienvenue dans ce 11e épisode de Rétro Nouveau. Dominique, t'avais un petit shout-out à faire en partant. Ouais, un petit shout-out à Jonathan Lavigne qui est sorti. Ben, c'est plus une nouvelle fraîche. Mais ben, ça fait pas longtemps fait. Quand même. Il a sorti Weatherb. Puis Jonathan Lavigne, c'est lui qui avait fait Ninja Senki. Oui. Qui était, j'en ai déjà parlé sur mon blog. Je sais pas si j'en ai déjà parlé à l'émission. T'en as parlé un peu à l'émission quand parce on a que fait un shout-out à Patrice qui a fait notre beat. Donc, c'est exact. Ça. Alors, ce gars-là, beaucoup de talent. Puis, il avait travaillé sur Scott Pilgrim. Mm-hmm. Donc, il vient de sortir Weather, qui est le jeu, dans le fond, de base de sa nouvelle compagnie, Tribute. Puis, il a passé à Monsieur Net cette oui. semaine, je l'ai manqué. Mais ça a l'air bien intéressant. C'est un Brick Breaker. Oui. Puis, mélanger Zelda au travers oui. de ça, là, ça a l'air d'être un beau petit mix. Mais ce que je trouvais intéressant dans ce qu'il disait, c'est qu'il disait que les éléments d'RPG étaient en surface. Oui. Fait que c'était pas. C'est pas le principal du tout. C'est ça, c'est pas le principal, non, mais non. C'est vraiment le fun ce qu'ils ont créé parce qu'ils essayent de. Moi, ce que j'aime de ces gars-là, c'est que. Justement, il a expliqué pourquoi ça s'appelle Tribute. Puis c'est bien, c'est du monde qui s'inspire des jeux qu'ils ont le plus aimé. Puis c'est vraiment des hommages à ces jeux-là. Mais en même temps, il amène de quoi de complètement nouveau. Ouais, Weatherb, ça a l'air complètement différent de tout ce qu'on a joué parce qu'il amène des éléments qu'il n'y a pas nécessairement dans ce type de jeu. C'est ça, il mélange des styles qui n'ont pas rapport ouais. finalement. Donc c'est super créatif. C'est vraiment cool. Puis en plus, avec un look tout le temps, c'est super beau. C'est très beau, puis c'est tout le temps du un look size pixel bit, art. En fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, ben aussi pour en faire une histoire courte, mon associé qui est son ami m'a parlé. Je sais pas si ça dérange que je dise ça, en tout cas. Ben mais non, il prévoyait en vendre 1000 à peu près, là, okay. Genre ce mois-ci ou les deux premières semaines, parce qu'il est sur le Xbox Live Indie Games, oui. même ça s'appelle. Puis il s'est rendu compte que finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui vont là-dessus sur le Xbox Live Indie Games. Tout le monde passe sur le Live Arcade, ouais. mais le monde n'explore pas les Indie Games. Mais aussi, c'est parce que dans Indie Games, il y a bien de la merde. Oui, hein? Tu sais, parce qu'on dirait c'est que. Mais on dirait que Microsoft accepte n'importe quoi. Tu sais, ouais. des fois, tu as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait son jeu avec CorelDRAW. Pis c'est super lettre. Ah ouais. Puis là, tu vas voir ça. C'est quand. Ah, ok. On dirait qu'il y a vraiment des jeux minables qui sont acceptés. C'est tough de sortir de la. C'est du tough lot, de sortir là, de la marge. Ça. Oui. C'est ça le problème. Totalement, tu sais. Puis c'est l'interface comme telle. Tu sais, moi, c'est ça. Sur la 360, je trouve l'interface du marché. Il y a tellement de jeux. Tu sais, comparé à la Wii, comparé à la PS3. Microsoft a pas mal plus de jeux à offrir sur leur service en ligne. Ouais. Puis à cause de ça, bizarrement, on dirait qu'il est mal divisé leur okay. service. Fait que t'as de la misère à t'y retrouver. Fait que son jeu, faudrait vraiment que tu le cherches. Faudrait vraiment que t'aies un intérêt. Ouais. Ou faudrait qu'il y ait. Des catégories qu'il y ait eu... vedettes. Ouais, ben faudrait qu'il y ait eu énormément de downloads. Puis là, il se retrouve en vedette, ouais. tu sais. Fait que non. Pas évident de se sortir de là, finalement. Pas évident, mais tu sais. Quand vous allez dans Indie, là, vraiment, t'sais... Renseignez-vous. Là, ouais, renseignez-vous. Allez pas juste dans la pochette. Cherchez sur Internet c'est quoi les jeux indépendants les plus recherchés ces temps-ci. Il y a des conventions tout le temps, des conventions avec des jeux PC que tout le monde adore. Puis il y a des espèces de gros buzz là-dessus. Entre autres, il y a Fez qui va sortir bientôt. T'sais, tout le monde en parle, tout le monde capote. Fait que, tu sais... C'est bon de faire des recherches aussi des fois un peu là. Mais Weatherb, ça a l'air pas mal solide. Ouais, aussi il va le porter sur PC là, à ce qui bon. Paraît donc. Ben Ninja Senki c'était sur PC. C'était PC seulement, c'était gratuit, c'était un peu un jeu pour j'ai l'impression pour se pratiquer pas pour se pratiquer, il savait ouais. exactement ce qu'il voulait faire puis ce qu'il faisait. Mais comme là maintenant son nouveau jeu, ben il veut vivre de ça, là, ouais. je le comprends très bien puis il fait mais bien. Tant qu'à vivre de ça là, moi j'ai un message pour toi man. Porte-le pour les consoles portatives, tu sais. Ouais. Pourquoi ne pas porter Ninja Senki sur iOS, sur PSP? Parce que c'est compliqué sur en PS. C'est compliqué, mais en même temps, tu sais, ça vaudrait quand même l'effort, tu sais. Ouais. Parce que le jeu, oui, il est gratuit, mais il y a des jeux, entre autres, comme, mettons, Cannabalt, qui est un jeu qui est gratuit sur Internet. Tu peux jouer complètement gratuitement. C'est en HD, c'est super beau. Mais tu peux aussi acheter la version à $3.99 sur ton iPhone. Puis c'est la même affaire, là. Ouais. Mais le monde l'achète, c'est un jeu vedette, parce que le jeu est excellent. Fait que, je veux dire... Non, je suis d'accord avec toi. C'est complètement autre chose. Il est seul dans son appart ou dans son local, puis là, il fallait qu'il sorte Wizard. T'sais. Dans le fond, il a fait Ninja Senki, puis Claude, il avait déjà tout pensé, je pense, à Wizard. Puis il fallait qu'il sorte, puis il fait rien que ça. Il n'est pas payé, lui, là, pendant ce temps-là. Là, ça fait qu'il faut que ça sorte et que ça marche. Mais Ninja Senki 2 devrait apparaître éventuellement, je pense, d'après ce que j'ai lu sur son blog, pixeltao.com. Ouais. Puis et c'est clair que là, il va faire payer le... faire payer le monde. Il va faire payer le monde. Non, mais il faut qu'il gagner sa vie avec ça. Puis j'y souhaite de tout cœur. Puis je pense qu'il peut réussir. Puis j'admire ça, moi, les gens qui font ça. Puis j'en connais d'autres aussi qui se lancent là-dedans puis qui essayent. Puis bravo, parce que je pense qu'au Québec, on est quand même pas mal hot là-dedans. Ah, c'est certain. On a une belle industrie. Mais check, moi, je suis justement, tu sais, j'en développe avec un partner des jeux. Plein de monde, je te parle. J'en connais plein, Mathieu Bruno, Georges. C'est ça, c'est-tu de jeu de merde? Ah oui, Bruno. Ben, excusez-moi, en fait, moi, je parle de jeu et de même, de téléphone. Tu sais, j'ai même pas de téléphone. Je peux pas jouer, là, désolé. Hey, non, je peux pas jouer à Dirty Gary. Non, mais, ben, c'est pas grave. Ben, quand même. C'est ben, pas, j'ai pas de téléphone à ma disposition, je te jure, j'ai aucun moyen de jouer. T'as rien qu'à le party sur. Ouais, t'as rien qu'à le party sur PSP. Toi, fais le. Non, c'est ça, mais juste pour dire que c'est pas évident, tu sais, juste présentement, là, en passant, nous autres, on fait, tu sais, c'est tout le temps le même, les développeurs indépendants, tu fais tout toi-même, tu sais, tu vas designer le jeu, tu vas faire la musique, tu vas, puis après ça, tu vas faire le marketing, tu sais. Ben oui, faut que tu fasses un site web, faut que t'en parles. Ouais, puis il faut que tu fasses la communauté. Faut que tu mettes autant de temps et de travail sur ton marketing, sur ta mise en marché, que sur le jeu comme tel, sur le travail que tu as fait dessus. T'sais. Fait que, tu sais, comme entre autres, présentement, Dirty Gary, là, on envoie ça à gauche et à droite, là, partout, sans arrêt. Puis c'est, je veux dire, il y a du monde qui pense qu'une critique, ça s'obtient super facilement, puis que c'est facile de faire parler de toi. T'as un bon jeu, le monde va en parler, c'est sûr, tu sais. Ouais. Mais c'est pas évident. Ça se fait pas de même. Ça se fait pas facilement. C'est un marché là qui il est dense. Là. Il y a tellement de monde. Là. Tout le monde veut sa part du gâteau. Puis des jeux, il y en a à tous les jours. Ça sort sans arrêt. Même des gros jeux, on dirait, il y en a à tous les semaines. Même des gros jeux, il y en a pas mal. Là, t'sais, même justement, t'sais, à Rétro Nouveau... on cherche de quoi on va parler. Moi, je cherche pas pantoute. Il y a tellement de stock. Ouais, c'est pas... Il y a tellement de jeux là, partout. Fait que, tu sais, il y en a des jeux. Fait que c'est pas évident. Puis moi, je comprends très bien. Je comprends très bien Tribute d'avoir de la misère aussi là-dedans parce que c'est rushant. Mais ça vaut la peine, ça vaut l'effort pour essayer de se démarquer. Puis de vivre au Québec, de sa passion. Oui, aussi. De vivre de ses passions. C'est un beau rêve, ça, là, quand même. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. C'est un idéal. Non, c'est un beau rêve. Puis c'est vraiment le fun de voir qu'il y a de plus en plus de talent au Québec. Ben, c'est que, à vrai dire, en jeu vidéo, il y en a vraiment beaucoup. Puis on est en train de devenir vraiment une place de choix pour le jeu vidéo. Ouais. Puis là, même. Je parle entre autres, même sans parler des développeurs indépendants, parler des majors. Là. Ben oui. Et je veux dire, on est rendu une ville importante. Ouais, c'est ça, ça va vraiment vite. C'est génial, fait que. Chapeau. Chapeau, puis bonne chance avec Weserb. Allez l'essayer. Mais Xbox Live Indie Games. Donc, c'est ça, on voulait faire une petite discussion sur les clubs vidéo parce qu'on a des méchants beaux souvenirs par rapport à ça. Mais vas-tu parler des clubs vidéo aujourd'hui aussi? On peut parler des clubs vidéo. Dans le temps, tu sais, facile, mais moi, j'ai pas mis les pieds dans un club vidéo pour louer un jeu. Depuis fort longtemps. Mais moi je l'ai. Ouais, mais c'est sûr. Qu'est-ce que je peux louer dans le fond? Louer des DS, c'est ça. Un lot de DS ou un jeu de 3DS, c'est tout ce que je pourrais louer. Ben PS3 maintenant, mais avant ça, non, là, rien. Non, c'est ça. Mais moi j'en loue, surtout présentement, j'ai en congé de paternité, fait que je loue des jeux. Normalement, les jeux, je les achète. Là, j'étudie, je regarde les critiques, puis je les achète. Moi aussi, je suis plus de même. Là. Je sais pas, je trouve quasiment que c'est une perte de temps à les louer. Ben, je me suis aperçu que louer un jeu, c'est frustrant. Dans un sens, parce que quand tu commences à t'investir dans le jeu, puis tu as du fun, faut que tu le ramènes. Ouais. Puis là, ben, sinon, faut que tu repayes de quoi. Puis louer un jeu, ça coûte environ là, comme 6$, ben des fois. Ouais. Fait que là, tu payes 6$, tu te dis, hey, minute, là, ça fait 3 fois, je loue, là, je suis comme rendu à 20$, puis finalement, le jeu est 40$, je devrais peut-être l'acheter, tu sais. Fait que. Ça sert à faire des tests, là, vraiment. Oui. Mais il y a des jeux que tu peux pas te tromper, en même temps, les critiques ou whatever, tu sais. Revenons encore à Borderlands. Oui. Tout le monde dit que c'est bon, mais t'as pas besoin de le louer, je suppose, là, si tu veux, je loue. Non, c'est ça. Jouer à ça, absolument, tu sais. Exact. Tu l'achètes, là. Oui. Mais de toute façon, aujourd'hui... Mais quand c'est ce genre de jeu-là, tu sais, entre autres, à Monsieur Net, on dit souvent, c'est une location, c'est un achat, c'est pas pour rien, parce qu'il y a des jeux, tu sais, que tu peux littéralement finir en 6 heures. Mais ça, là... Si tu loues un jeu pendant 3 jours, puis que t'as pas 6 heures là-dedans pour le finir, comment, tu sais, c'est sûr que tu vas être capable de le finir dans ton week-end. Si t'es pas capable de le finir dans ton week-end, t'es pas mal proche de la fin, puis ça vaut pas la peine de payer un jeu 60$ quand il est 60$, ouais, c'est ça, pour 6 heures, non, ça c'est très peu. Puis c'est de plus en plus fréquent, donc... Mais c'est où aujourd'hui, tu sais, avec la consommation tellement rapide du jeu lui-même, tant qu'à louer une fin de semaine, puis tu vas le reporter après, puis t'as pas eu le temps vraiment de le finir, tu sais. Ben, anyway, le monde aujourd'hui, ils achètent les jeux... Puis ils vont les reporter pareil quand ils ont fini, mais tu sais, une semaine après au magasin pour en acheter un autre. Oui, sauf qu'il y a une... Sauf que tu perds de l'argent. Oui, il y a une large différence de prix. Une très large différence, mais en même temps, tu as une semaine de. Tu sais pas, tu as un petit peu plus de temps pour finir ton jeu. Là, tu te dépêches de le finir parce que vite, il faut que j'aille le porter au magasin pour avoir l'argent. T'sais. Exact. Mais là, en même temps, tu loues un jeu, tu te dis jamais, genre, ah là, là, vite, faut que je le finisse là, avant de retourner le porter. En tout cas, je sais pas. Mais des fois j'avoue que même moi, je tombe dans ce manège-là. Ben, c'est le même aujourd'hui. Fait que dans le fond, louer des jeux, tellement de jeux, ça perd un peu de son importance, tu sais, parce que les gens achètent les jeux puis vont les revendre tout de suite, très, très, très vite. Tu sais, dans le temps, on ne pouvait pas acheter un jeu de NES, tu sais, puis comme, ah, j'ai fini Adventure Island, là, je vais aller le revendre au magasin pour en acheter un autre tout de suite. Mais moi, attends une minute, moi, quand j'étais jeune, je vendais mes jeux à des amis. C'était tout le temps ça. À des amis, ah ouais. Ouais, ben, j'ai vendu ou j'ai changé. T'as perdu des amis avec des jeux de merde? Non, mais j'ai un ami qui était hyper choqué que. Parce que j'ai échangé Super Mario Bros. 2, puis il aimait pas Super Mario Bros. 2. OK. Puis il a été vraiment, vraiment fâché. Ah, là, parce qu'il me l'a échangé contre Mega Man 2, tu sais. Ah ouais. Fait que méchant bon échange, tu sais, parce que moi, ben, c'est deux Mario Bros. Jeux, 2, tu sais, je tripais pas dans le temps. C'est comme le bouton noir des Mario Bros, tu sais. Puis j'ai pas trippé pendant tout. Je l'ai acheté, puis j'ai pas aimé ça. Puis finalement, il me l'a échangé, tu sais. Mais bref, moi, j'ai changé mes jeux ou sinon. Je veux dire, j'attendais, puis j'avais un cousin à quelque part qui était intéressé par ça, puis finalement, ben, je le vendais à ses parents. Puis là, il l'achetait pour lui. Ah, moi, je garde les jeux depuis le début des temps. Je sais pas mal comment ça marche, fait que, tu sais, je fais mes affaires comme du monde. Garde, un parent avait le choix entre acheter le jeu 60$, parce que c'était quand même 60$ c'était dans le même prix. Cher. Jeu Nintendo, c'est ça. Même prix qu'aujourd'hui. T'sais. Tout le monde pense que c'était moins cher dans le temps. C'était pantoute. On avait moins de cash. Même les jeux d'Atari, c'était la même affaire. Ouais. Là, t'achetais un jeu, le nouveau jeu d'Atari là, qui vient de sortir, là, il est 50$. Dans le temps, c'était ça. Puis en plus, dans le temps, 50$, c'était bien du cash. Ah, là, c'était bien du cash. C'était épouvantable. Ouais. Fait que non, c'est ça. Mais moi, entre autres, je voulais parler du fait que. Avant, moi, quand j'étais jeune, un club vidéo, c'était un happening. C'était une place, là. C'était comme un temple. Ouais, c'était un temple, tu sais. Moi, entre autres, là, je vais faire un shout-out à un club vidéo qui existe même plus si jamais il y a quelqu'un qui est rentré dedans. Le club, c'était le Vidéo Choix. Puis c'était à Terrebonne, sur le boulevard des Seigneurs. Puis moi, j'ai passé mon enfance là-bas parce que tu rentrais là-bas, puis... Le gars qui tenait le club vidéo, il trippait visiblement plus sur les jeux vidéo que sur les films. Ah, ça, c'est le fun. Fait qu'il y avait un club vidéo plus pour les jeux vidéo. Puis, il est comme de fait, il y avait tout le temps 4 machines d'arcade dans le club vidéo. Oh, 4. C'est fait que c'était tout petit comme place, là. il n'y avait pas de place, mais lui, il préférait donner de la place à des machines d'arcade plutôt que d'avoir plus de films, même que ses vieux films, il mettait dans une grosse bin en avant, puis c'était comme ben garde, piger puis acheter les vieux films parce que moi je garde pas ça, je garde la place pour mes arcades, puis je garde la place pour mes nouveaux jeux. Fait que le gars, il y avait tout ce qui se faisait en Nintendo, il y avait les Sega, ça a été, il les a eu déjà direct en partant, il les avait. Puis, il y avait des machines d'arcade. C'est là-dessus que j'ai dépensé tout mon cash sur Ninja Gaiden, là-dessus. Ah ouais. Puis, il y avait Ninja Gaiden, il y avait NBA Jam, il y avait Street Fighter, tu sais, il y avait des gros canons. Fait, il y avait tout le temps du monde qui se retrouvait là. Fait que, t'allais louer ton jeu, t'allais jouer une petite game d'arcade. T'avais le gars à la caisse qui, lui, tripait vraiment jeux vidéo. Puis, ce gars-là, dans ce temps-là, c'était un gars qui aurait pu, dans ce temps-là, passer pour un gars extrêmement creepy, okay. Que les parents s'en seraient vraiment éloignés. Ils auraient fait comme, voyons donc, tiens-toi pas avec lui, petit gars. Parce que, dans ce temps-là, c'était mal vu jouer aux jeux vidéo quand t'avais une trentaine d'années. Quand t'avais 30 ans. Tu passais pour une espèce de méga loser. Oh, ouais, maintenant, c'est beaucoup plus accepté dans notre société. Puis, dans ce temps-là, ce gars-là, il était là, lui. Il avait 30 ans, il trippait ses jeux vidéo. Il pouvait pas en parler à personne. Fait qu'il en parlait avec les kids comme nous autres. Nous autres, on allait louer des jeux, ouais, il en parlait. Puis c'était cool d'avoir un échange. Puis dans ce temps-là, on découvrait quelque chose. Là. C'était vraiment là, c'était le début de quelque chose de gros. On était tous passés de Atari à Nintendo puis Sega. Puis on comprenait pas ce qui se passait. Puis on voulait tout le temps louer un autre jeu. On avait hâte que la fin de semaine arrive pour louer un jeu. Puis c'est ça qui est un peu plate, que j'ai un peu perdu, moi, avec le temps. C'est que... Maintenant, on est à l'étape de consommation rapide. Fait absolument. Que les jeux vidéo, on les j'en ai tout le temps. Ouais. On les download. Veux même pas, puis j'en ai. J'en achète, là, sans joke. J'ai acheté en fin de semaine, j'ai acheté Plants vs. Zombies sur mon PlayStation 3, puis j'avais du monde à la maison. Ouais. Tu sais, je voulais même pas acheter ça. Je l'ai acheté, tu sais. J'achète des jeux, t'achètes, parce que tu download. Ouais. Finalement, dans le temps, il n'y avait pas ça, tu sais. Ça fait tellement une énorme différence dans l'industrie. S'il y avait eu ça, on aurait de la misère, je pense, aujourd'hui. Ouais, comment ils font les jeunes aujourd'hui? Ils donnent tout le temps avec la carte de crédit de leurs parents, tu sais. Ben, c'est soit ça, ou moi, j'ai vu un jeune l'autre jour, il est allé avec son père, puis son père, il a acheté son jeu. Puis, ouais. Puis, il a acheté Call of Duty, et câline que j'étais pas content. J'étais trop jeune pour le jeu. Ben, il était super jeune, tu sais. Le petit gars, il avait à peu près 9 ans, tu sais. Puis, t'achètes Call of Duty, come on, tu sais, c'est... S'il y a des parents qui écoutent, là, si vous achetez des jeux matures à vos enfants, pensez-y pareil. C'est sûr qu'on a tu donnes une bonne éducation à tes enfants puis tout, puis je suis d'accord avec ça parce que moi j'ai eu ça. Mais veux pas, tu donnes un jeu mature avec ton kid. Non, faut faire attention. Ça part mal. Ça, faut faire attention, là, vraiment. Là. Moi, dans le temps, il n'y en avait pas de ça. Moi, j'avais Castlevania. Non, c'est c'était ça. Quand même assez bloody, là, des bébites, des squelettes. Tu sais, puis il y avait la mère de mes amis qui était comme bon, là, il va encore venir ici de jouer avec son jeu de mort. Ouais. Relax, là, tu sais, en même temps. C'est ce qu'il y avait de plus sanglant qui se faisait, là. Non, j'avais un chum, moi, dans ce temps-là, c'était le baveux de la place, puis lui, il avait acheté Friday the 13th, puis il achetait les jeux d'horreur, qui étaient de la merde, vraiment pourri. Merde, ce jeu-là, là, c'est de la dompe, là. C'était c'est plate. Fait par LJN, en passant, là. Si vous voyez ce logo-là sur un jeu de NES, là, LJN. Avec un petit arc-en-ciel, okay. LJN, là, n'achetez jamais. C'est un arc-en-ciel, puis c'était le jeu de Friday the 13th. C'est les pires jeux de la Terre de NES, c'est les plus pourris des pourris, c'est l'enfer. Wesh. Mais à moi, au moi aussi, j'avais un club vidéo. En ouais, fait, il y avait un centre d'achat à Saint-Joseph où est-ce qu'il y avait un magasin de musique, okay. Un Radio Shack, puis un gros club vidéo dans le centre d'achat. Puis à un moment donné, ça s'est tout mergé dans un pain, ça. Fait que laisse-moi dire qu'on capotait, man. Puis il y a un gars qui travaillait là, qui trippait comic books, fait qu'il s'est mis un rack de comic books aussi au travers c'est de ça. C'est donc bien hot, ça. Fait que d'un bord, t'avais des CD, de la musique, des bidules électroniques, tu sais, puis t'avais un méga rack de jeux de NES, t'avais une arcade aussi dans la place, machine à popcorn, un rack de BD, des films. Hey, man, on était tout le temps rendu là. Je serais rendu là maintenant. Mais hein, carrément, puis pour un village de 5000 habitants, c'était vraiment génial. Mais ce qu'il y a quand tu vis en campagne, c'est que ça arrive pas vite. C'est pas que ça arrive pas vite, c'est que ça dure pas, ces belles affaires-là. Les gens sont réticents ou ils vont pas. Ou le gars qui tient ça, il a une réputation dans le village, affaires de même. Fait que à un moment donné, ça a juste foiré. Là. Ça a pas marché. Puis c'était bien dommage parce que moi, j'adorais aller là. Puis il y avait tellement un mur de jeux de NES géant. Il y en avait beaucoup. J'ai découvert plein d'affaires là-dedans. Puis comme tu dis, on avait hâte que la fin de semaine arrive. On loue pas mal à toutes les fins de semaine. Là. Puis... Mais aujourd'hui, tu sais... Ah non, c'est tellement des souvenirs d'enfance. j'ai toutes des images dans ma tête. Là, mais je pense pas que les jeunes d'aujourd'hui vont pouvoir vivre ce feeling-là en allant au Vidéotron. Puis... Ben, c'est parce qu'au Vidéotron, tu rentres, tu loues ton jeu, tu sors. Ou tu rentres... Mais tu essaies de louer, tu essaies de checker c'est quoi les jeux qui sont usagés, puis tu vas sortir après, mais tu n'as pas de... Ben, moi, ce que je regrette, c'est un spécialiste un peu au contrôle des jeux avec qui tu peux jaser un peu, checker le stock. Ça, c'est t'as quelques stations où tu peux essayer des jeux, mais je trouve que le côté arcade, il manque, tu sais. Moi, à la limite, je mettrais quasiment une table de poule dans un club vidéo. Ben, c'est le fun. Juste pour qu'il y ait quelque chose, un échange, tu sais. Où est-ce qu'on peut se regrouper en tant que gamer. Ouais. On se comprend, tu sais. On peut aller là, puis parler, tu sais. Ça serait le fun que ça soit un lieu. Puis il en manque des lieux de ça, t'sais. Des lieux de ça, il n'y en a pas. Il y en a peut-être. C'est très clandestin, là. Il y avait sur Sherbrooke une place où est-ce qu'ils vendaient des jeux, puis il y avait des tables de Magic on the side. Les gens jouaient à Magic. Ils achetaient des vieux jeux, ils jouaient, whatever, tu sais. Mais il n'y en a pas assez de ça, là. Ça en prendrait. Puis les jeunes, ils iraient là-dedans tout le temps, là. C'est tant qu'à glander, tu vas glander avec tes pères. Ouais, c'est ça. Ils te ressemblent, puis tu joues à des jeux, tu sais. C'est juste génial. Ouais. Moi, ça, on allait là pour ça, les clubs vidéo, beaucoup aussi, là. Pour le feeling de la place, là. Puis ça faisait une sortie, puis ça faisait une place à aller, puis on jasait de jeux. C'est vraiment, vraiment cool. Non, mais des clubs vidéo, il n'y en aura plus bientôt, là, de toute façon. Vidéotron tient encore parce qu'ils vendent des téléphones dans leur club vidéo, tu sais, mais Netflix, les Apple TV, tu sais, même mais là, encore des films, je les donne, je les prends à maison, je perds même pas de temps à aller au club vidéo, parce que j'en loue pas assez non plus, là. Peut-être quelqu'un qui loue tout le temps. Mais c'est ça, ça dépend aussi, c'est qu'il y en a toujours encore là que l'activité d'aller au club vidéo les intéresse encore beaucoup. Comme l'activité d'acheter un CD, tout ça. Puis moi, il y a le fait aussi qu'au Canada... On n'est vraiment pas chanceux dans notre offre Internet. Ouais. Tu sais, c'est vraiment pourri comme offre. Tu sais, on a vraiment... Je veux dire, tu vas dépasser ta limite assez rapidement. Fait que si tu downloads des films, si tu downloads des jeux, t'es fait, là. Au bout d'une semaine de consommation, t'as déjà boosté là, ta facture. C'est clair. Fait que, tu sais, ces gens-là vont continuer quand même d'aller au club vidéo. Puis même, je pense que tout le monde, à quelque part, retourne dans les clubs vidéo pour soit louer un jeu avant de l'acheter. Parce qu'il y en a aussi encore là qui ont pas que leurs consoles sont pas pluguées sur Internet. Il y en a aussi. Ouais, il y en a encore. Fait que, tu sais, puis des fois aussi, il y a des... On parle de minorité quand même. Oui, on parle de minorité, mais tu sais, même, admettons, là, tu parlais de Netflix tantôt. Netflix, moi, je l'ai, puis c'est pourri au Canada. Il n'y a rien, tu sais. Moi, je l'ai parce que je suis trop... T'es trop geek, man. Non, je suis trop lâche. Tu sais, c'est parce que j'ai pas le temps. Tu sais, je me dis, bon, j'ai pas le temps, moi non plus. Tu sais, dans un clip vidéo, choisir un film, ça prend toujours genre une heure alors. Ah, c'est super long. Ça va bien vite. Mais tu sais, encore là, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, moi, j'y vais. Tu sais, je vais au clip vidéo, mettons, avec ma fille. Puis je vais louer un film pour enfants. Ouais. Tu sais. La face qu'elle a, elle capote, là, justement, d'être là-dedans et de voir toutes les pochettes. Ouais, Ce côté-là est intéressant. C'est comme un peu, justement, les puristes du CD ou même les puristes du vinyle. C'est la relation avec l'objet. Je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont encore ça. Dans les jeux vidéo, c'est un peu moins fréquent. Moi, je l'ai encore. Ouais, c'est ça, toi, tu l'as encore, tu sais. Mais c'est ça, c'est rétro. Avoue qu'on n'est pas aussi attaché à une pochette de PS3, là. À moins que ça soit le Collector's Edition. Mais il faut l'être, moi, je trouve, en fait. Parce que, justement, moi, il y a des jeux de PlayStation 3 que je vais garder, tu sais. Oui. Puis aujourd'hui, ça a l'air de rien, comme je dis toujours. Mais plus tard, ça va avoir l'air de quelque chose d'aplomb, tu sais. Oui. Puis, ben, sauf que je vais m'attacher moi-même à des jeux hot. Ouais. God of War 3, mettons, je l'achète, c'est sûr que je vais le garder. Ouais, je vais c'est pas certain. Le vendre, même si je passe au travers. Là. Mais tu sais, si tu regardes ça, les versions digitalisées, ça, là, on s'en vient dans un système où tout est digitalisé. Là. Ça va se terminer aussi. Ça s'en vient. Là. D'ici 5 ans, tout est digitalisé, mais vraiment tout à quoi tu as joué. Là. Ouais. Parce que les compagnies sont pas niaiseuses. Ils savent qu'il y a énormément d'argent à faire avec ça. Ouais. Fait qu'ils vont tout digitaliser. Il y a, entre autres, la PS Vita qui s'en vient de PlayStation. Cette console-là fonctionne juste avec le téléchargement. C'est la même chose avec la PSP Go. La PSP Go, ça n'a pas marché, le monde n'a pas embarqué. Là, ça va être une console portative next-gen. Ouais. Ce qui fait que les gens vont embarquer, puis ça va être juste dans l'autre. Moi, je pense que on s'en va là, on n'a pas le choix, ça va arriver, mais pour les clubs vidéo, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, moi, je pense que les les clubs vidéo vont mourir à un moment donné, mais tant que notre génération va être là, ça mourra pas. Ben, il faut que ça soit rentable. Un club vidéo, ben, faut que ça soit rentable. Mais c'est pas le club. Le Blockbuster vient de mourir. Ouais, Blockbuster. Il y a pas longtemps, c'est terminé là, pour eux autres. Là. Moi, je te dis, ici, Vidéotron, c'est encore debout. Là. C'est parce qu'ils ont bien du cash en arrière puis parce qu'ils vendent des téléphones au travers de ça. Ils ont commencé une offre un peu comme Netflix, là, que tu peux tout louer les classiques, je sais pas trop, ben, les vieux films. Ils n'ont pas le choix là, de le faire, tu sais, ça va être ça. Ils n'ont pas le choix. Les pubs de clubs vidéo, il n'y en a plus à TV. Là, tu sais, le gars, des tonnes de copies, là, ça a été pas mal la dernière affaire qu'on a. Ben non, mais la Vidéotron, il y en a pas mal. Il y en a. C'est vrai, attends, oh, ben, ouais, non, c'est drôle, ils disent, non, cross-nous, c'est ça qu'ils sont rendus. Dis, le gars, il vient louer, je sais pas, moi, Alien 1, tu sais, il le ramène au club vidéo, il dit, ah, j'ai pas aimé ça. Là, la fille, ok, parfait, t'as pas aimé ça, t'en as pris un autre, ouais. Alien 2. Ouais, je suis curieux de voir ça. Ouais. La fille est comme, OK. C'est vraiment, tu peux venir nous crosser au club vidéo. C'est tellement plus rentable. Là. On s'en sac, là, tu sais. On te les donne, les locations, prends-les. Moi, ça m'a je restais bête. Là, ouais. Ça. On en est rendu là. Là. Oh, je trouve totalement. Que c'est un signe que c'est vraiment la fin. Le seul club vidéo qui se tient encore debout, tu sais, dit que, tu sais, viens prendre des films tant que tu veux, puis on va te les donner. Ouais. C'est mort, là. Club vidéo 20/20 est terminé dans le flaga. Hey, je l'ai loué des films là-bas, ah, c'est un 5 pour 1 un moment donné. Ah là. Ouais, ça y allait. Ça n'avait pas de bon sens, mais tu sais, c'est ça. Moi, je pense que ce qui manque aux clubs vidéo, c'est ça. C'est que dans le temps, les clubs vidéo, c'était un endroit comme un bar, un musée. C'était un endroit là où tu allais là, pas juste pour louer quelque chose. Tu avais d'autres choses à côté de ça. Puis je dis pas que tu allais t'acheter un téléphone. Là. Ouais. C'était vraiment un endroit où on t'offre beaucoup plus que de la location. Puis j'ai l'impression que c'est ça que ça devrait devenir, le club vidéo. Ouais. Ça devrait devenir plus tenir, que ce que c'est s'ils veulent continuer cette tradition-là. Mais bon. Ben, c'était nécessaire dans le temps parce qu'il n'y avait aucun autre moyen d'avoir un nouveau film chez vous à part d'aller l'acheter au magasin. C'est trop cher dans ce temps-là. Personne n'achetait des films dans ce temps-là. Moi, mes parents, ils n'ont jamais acheté un film dans leur vie là, en VHS. T'sais. Puis mon grand-père, puis tout le monde, là, personne n'a acheté de film. Tu n'avais pas le choix de louer, mais maintenant, tu download. Puis tu donnes l'autre illégalement aussi. Donc, c'est clair que le club vidéo va perdre des plumes. Ah non, c'est certain. Puis les jeux vidéo, ça sert à rien qu'à les essayer, là, finalement. Oui. Ben, t'attaches. Ben, à les essayer, ou sinon, tu sais, si t'es jeune, t'as pas d'argent, tu veux jouer à un jeu, garde, c'est la meilleure façon. Ben, ouais, c'est ça. Si t'as pas d'argent, puis tu vas essayer un nouveau hit qui vient de sortir, ben, tu vas l'essayer là, tu vas pouvoir en parler avec tes chums. Exact. L'emprunter à ton ami qui a plus d'argent que toi. C'est ça. Ça, j'avoue. Fait que, en tout cas, on s'ennuie des clubs vidéo. On s'ennuie nos bons vieux clubs vidéo. Ouais, on s'ennuie des clubs vidéo. On s'ennuie des arcades. On commence à sonner comme des vieux disques. Des vieux bats à cette heure-là. Ça pas d'allure, man. Parce que, tu sais, c'est plate. C'est tout en train de partir. On est tout en train de s'en aller dans une espèce de société de couch surfer. Là. On va tout être sur un sofa, puis on va pitonner, puis on va avoir ce qu'on veut immédiatement. Bon, il n'y a rien qu'on peut faire. Là. On va juste se souvenir de ça, puis on en parlera à nos enfants. Ouais. Soit ça, ou on va en partir un, puis ça va être un échec lamentable. Je ne miserais pas là-dessus. Ça serait comme se partir une compagnie de bottins téléphoniques. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça ne sert plus à grand-chose. OK, fait que moi, je vais te parler d'un... Écoute, je fais une critique rétro. C'est rare que je fais ça. C'est vieux, ça? Ben, c'est vieux. DS. C'est ça. C'est un jeu sur DS. Je me souviens pas exactement, pour être tout à fait honnête, à quelle année que c'est sorti. Ouais, c'est correct. Mais c'est Metroid Prime Pinball. Oh, yeah. Yes. Parce que c'est un amateur de machine à boules. 2005, en passant. 2005, OK. Oui, je suis un amateur de machine à boules. J'adore ça. Le monde qui me connaît, le savent. Puis... il n'y en a pas beaucoup des machines à boules, c'est difficile à trouver. On dirait que ça aussi, c'est une affaire qui est en train de mourir, mais il y a des fans de machines à boules. Et oui, je suis là pour vous le prouver. Puis Metroid Prime, c'est un genre de jeu de machine à boules un peu comme Mario Pinball. Vous avez peut-être déjà joué à ça, Mario Pinball, c'était sorti sur le Game Boy Advance. Moi, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. C'est des jeux de machines à boules, mais qui... où on modifie la machine de façon à ce qu'elle soit un petit peu plus futuriste et qu'elle fasse des choses qu'elle ferait pas normalement. Donc, Là-dedans, ce qu'on fait, c'est qu'on est... On est Samus Aran, mais on est pratiquement tout le temps en Morph Ball. En Morph Ball, c'est ça. Fait qu'on est pratiquement tout le temps comme ça, sauf des fois où on va se trouver dans une zone spéciale où on va se lever puis on va tirer des ennemis à l'écran. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait pas faire sur une machine conventionnelle, là, ça se ferait pas. Ouais. Mais là, ça marche, on peut le faire puis ça fonctionne super bien. Là-dedans, bon, ça marche avec les deux écrans de la DS. La DS est vraiment... une console parfaite pour jouer à des jeux de machine à boules. Puis je suis vraiment déçu qu'il n'y en ait pas plus que ça parce que j'aime tellement la machine pour ça parce qu'avec les deux écrans, ça nous donne vraiment une vue complète sur notre table. Mais le gap entre les deux écrans est-il nuisible? Et voilà. Oui, Dominique, oui, hein? Il est nuisible. Il est nuisible à certains endroits. Ça m'est pas vraiment arrivé, j'avoue, où j'ai vraiment fait comme... Parce que moi, contre 4, ce gap-là me tuait, j'ai l'impression. Peut-être que je m'inquiète que... Mais contre 4, oui, on parle d'un autre type de jeu, mais contre 4, totalement. Ouais, c'était haut, fait la critique, mais j'ai enlevé des points pour ça, ben ouais. Raide, là. Parce que c'était vraiment trop, il n'y avait aucun sens, là. Non, là-dedans, c'est que la boule passe tellement vite, puis il n'y a pas d'éléments... Il n'y a pas d'éléments avec lesquels on peut interagir dans cette zone-là. Fait que c'est juste une zone où ta boule elle passe, t'attends qu'elle passe, puis c'est fini. C'est pas super elle va pas, grave. T'sais, c'est ça, l'angle, t'es capable de catcher l'angle qu'elle a, même oui. Si elle passe dans une zone noire pendant des millisecondes. Là. Totalement, puis surtout que ça va vite quand même. Ouais, c'est là-dedans. Ça va vite. Fait que c'est ça, on commence le jeu, on peut jouer de deux façons. On peut jouer en multi-mission et en single mission. Okay. Fait que finalement, plusieurs missions, une mission, on va jouer juste avec une table précise. Les tables, c'est plusieurs parties d'un environnement qui a rapport à Metroid Prime. OK, c'est cool. Comme les planètes, ils matchent-tu les planètes? Oui, ça ressemble pas mal aux planètes, comme tu as une planète un peu glaciale, il y en a une autre, c'est tropical, il y en a une autre où il y a de la pluie, donc c'est vraiment le même environnement. Puis, on retrouve vraiment tous les éléments de la série. On retrouve des artefacts, on va retrouver tous les ennemis de la série, puis on va retrouver même des boss qu'il y avait dans Metroid Prime, parce qu'il y a des boss dans ce jeu-là. Il y a des fois où tu peux te retrouver dans un certain endroit, puis il faut que tu tires avec ta boule sur un boss pour pouvoir l'éliminer, puis lui, il va pouvoir lancer des projectiles, il va pouvoir envoyer des ennemis. Puis là, on va sûrement dire, bon, qu'est-ce que ça fait les projectiles? Es-tu en train de détruire tes flippers? Pas pantoute, il détruit pas tes flippers, sauf que quand un projectile attrape ta boule, elle revole en maudit. Fait que ouais, là, ça peut te faire mourir. Donc, c'est ça. Puis, il y a aussi une séquence qui revient souvent, en tout cas, quand on frappe à la bonne place, c'est une séquence de wall jump. Donc, on a deux murs de chaque côté. Il faut qu'on saute jusqu'en haut pour ramasser des artefacts. Les artefacts, ça sert à quoi? Mais ça sert tout simplement à ouvrir une nouvelle zone. Donc, quand on est en mode multi-mission, le mode que je vous suggère, parce que c'est pas mal plus le fun que de jouer juste à une table, on ramasse tous les artefacts. Puis, une fois qu'on les a ramassés, on nous demande d'aller dans une autre zone. Puis quand on rentre dans l'autre zone, on a un boss. On bat le boss, puis on va pouvoir se rendre à une autre zone, et ainsi de suite. C'est des boss de Metroid traditionnels, là? C'est des boss de Metroid Prime. Le meilleur gars. C'est vraiment l'environnement de Metroid Prime au complet. OK. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus sur ce jeu-là. C'est un jeu qui va vous en donner vraiment beaucoup pour votre argent. Si vous l'achetez neuf, chose qui est quand même assez difficile maintenant, c'est un jeu qui est difficile à trouver, il y a un Rumble Pack qui vient avec, le truc de Game Boy Advance. Oui, dans le truc de Game Boy Advance. C'est cool. Puis ça fait brasser ta DS, puis ça fonctionne super bien, là, vraiment. Là, tu ressens un retour, tu sais. Je savais pas que ça existait, un enfant de même. Oui. C'est vraiment intéressant. Mais c'est arrivé très rarement. Il me semble qu'il y a un autre jeu qui l'utilise, mais bref, on l'utilise dans celui-là, puis c'est très approprié parce que ça donne aussi un petit peu... Ta DS est un petit peu plus lourde aussi dans le boss, qui te donne le feeling, justement, d'avoir les flippers entre les mains. Ouais. Ça fonctionne super bien. La physique Crème, j'en ai pas parlé, ça n'a pas de bon sens, faut que je parle de la physique. La physique est géniale, c'est vraiment, vraiment, vraiment réussi, là. On a vraiment l'impression de jouer à une vraie machine à boules. Là, t'as pas vraiment l'impression de jouer à une partie électronique. Puis ce qui est le fun aussi pour le graphisme, c'est que c'est des trucs pré-rendus. Ouais. Donc on a vraiment de quoi de beau, de photoréaliste. Puis la musique, c'est toutes des tunes de Metroid, ouais, mais remixées, refaites. Puis c'est des tunes qui tombent pas ses nerfs, pas en tout. C'est vraiment bien fait. Okay. S'il y a les créateurs de Metroid Prime qui ont travaillé là-dessus, donc... Ah, cool. Tu sais, ce jeu-là, c'est du bonbon. C'est super le fun. Si vous aimez les machines à boules, achetez-le. Si vous aimez Metroid, tout simplement, achetez-le parce que c'est vraiment... Ça va peut-être justement vous donner le goût des machines à boules. Ouais. Parce que c'est un autre twist, ces machines à boules. C'est vraiment le fun. Puis c'est ça. J'espère, j'ose espérer que Nintendo va s'y mettre pour les versions digitales de leurs jeux de DS. Ouais. Puis qu'on va avoir ça sur 3DS parce que des fois, c'est pas évident de trouver ces jeux-là. Non, c'est fait ça. Que, sauf que c'est un jeu de Nintendo. On peut toujours espérer. Les jeux de Nintendo sortent tout le temps en premier. C'est pas des tiers parties. Non, c'est ça. C'est intéressant. Je vais faire une recherche là-dessus, voir où trouver ça, comment ça coûte. Puis ouais, Rumble Pack là, qui vient avec ça. Ça m'intéresse au bout. Ben, j'ai vu des Rumble Pack tout seul en passant. Comme, okay. J'ai justement celui-là, je l'ai acheté au Microplay du Vidéotron. Okay. Puis quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de Rumble Pack avec. Okay. J'avais jamais eu la version originale. C'est un jeu complètement passé à côté. Je l'avais jamais vu. Puis finalement, bon, je l'ai acheté une fois que je l'ai vu. Puis vraiment excellent, c'est tombé là-dessus. Là. Achetez ça, c'est du bonbon. Cool. Salut la gang! Ici Daniel. Damien. Et Joël de Fun Jouer Jeux. Et vous écoutez présentement Rétro Nouveau avec Bruno Georget et Papa Cassette. Dans ta pipe, jeune louveteau. Yeah! Je vais parler de deux shooters, des shoot'em up, des jeux cool. De vaisseau spatial. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Moi, j'ai tout le temps aimé ça. Même, ouais. Je sais même pas pourquoi, mais j'ai stické là-dessus. Puis, je joue pas à ça à longueur de journée, là, mais j'aime les avoir, j'aime les essayer. Là, ouais. Vraiment, ils ont toute une belle dynamique. Puis, mon premier aujourd'hui, c'est un jeu de Super Nintendo. Puis, je suis content de parler du Super Nintendo parce que j'ai fait aucun Super Nintendo. C'est encore, vrai, me semble, c'est à weird, Rétro Nouveau. On n'a rien fait Super de ça. Nintendo. Donc, ça s'appelle Axelay. Et ouais. Puis A-X-E-L-A-Y, c'est sorti en 92 et c'est aussi disponible sur la Wii Virtual Console. Je sais pas comment ce qu'il coûte, par exemple. 800 points. 800 points, donc 800 piastres. Environ, là. Ah ouais. 800 piastres. Puis bon, c'est fait par Konami. Ouais. Puis ça refait penser comme légèrement à Gradius, mais quand même, avec une twist. Oui. Donc, vite fait, l'histoire, ça se passe dans le système solaire de Elis. Ce système solaire-là est envahi. Hey, c'est tout le temps pareil, les shooters presque. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, quand je parlais d'histoire tantôt, là, c'est un peu pour ça, des fois aussi, que l'histoire me met. Ben, c'est envahi par un empire alien qui s'appelle Armada of Annihilation. Oh. Ça fait vraiment un bon nom de black metal, ça, ouais. Là, c'est vraiment parfait, là. Donc, le seul vaisseau qui reste de ce carnage-là, c'est le Axelay. Puis, ouais. Bon, encore une fois, t'es le seul vaisseau qu'il faut qu'il aille faire toute la job. Donc, Puis écoute, pourquoi il est spécial, Axelay? Il est pas vraiment... Ben, il est spécial. Ben, c'est specs, là, premièrement, dans ce jeu-là. Non, avant de parler du vaisseau, je vais parler des stages. Parce que ce jeu-là est connu... a été populaire beaucoup parce qu'il a utilisé le mode 7 du Super NES qui c'est est ça, les... grossir les pixels, ouais. Tu sais, puis comme des gros pixels, puis comme des zooms, tout ça. Quand t'avances dans ce jeu-là, ben t'as deux vues, t'as la vue de dessus puis la vue de côté, fait que ça c'est cool, comme dans Life Force un peu dans le temps. Puis tu commences en vue de dessus, puis c'est comme si t'avançais toujours au-dessus d'un gros rouleau de paysage qui tourne. Là, tu vas toujours vers l'horizon et l'horizon est infini. Là. Mais ça varie des fois, bien sûr. Ça varie par stage puis ça varie dans chacun des stages. Oui. Donc, c'est ça, dans le fond, qui fait que ce jeu-là est bien, bien beau. Puis, quand tu tasses à droite ou à gauche ou en haut puis en bas, quand tu es dans l'autre vue, le tableau, il tasse lui aussi un peu. Okay. Là. Mais tu peux pas partir sur une chire là, puis aller bien, bien loin à droite. Là. Mais tu peux comme te tasser un peu. Tu peux tasser un peu quand même. Des fois, le tableau, il t'envoie des trucs, des barrières. Excuse qu'il va falloir que... que tu évites, ou il va falloir que tu te faufiles dans un trou, puis il va falloir que tu te tasses. Là. Okay. Donc, ça, c'est bien intéressant. Puis, le vaisseau lui-même, moi, je le trouve pas si beau, étrangement. Je le trouve chubby. Pas très attirant. Non, il est pas edgy, là, comme le Vic Viper de Gradius. T'as dit chubby, c'est totalement le terme. C'est totalement le terme. Il est chubby. Il est jaune-orange, chubby. Une petite tête avec un gros body. Comme une bouteille d'orangina. Mais de côté, il est gros, tu sais. Je sais pas. Là. C'est un autre style, mais c'est un style qui me plaît pas. Là. Je le trouve pas sexy. Pas en dessin, il est écœurant. Sa pochette est beau, mais tu le vois de dessus un peu, justement. Mais... Non, puis c'est ça, le système d'armement là-dedans, t'as trois sortes d'armes dans lesquelles tu vas, que tu vas switcher. Okay. Puis, t'as comme, mettons, de base, là, t'as le feu, après ça, t'as des genres de balles qui partent de tous les sens. Quand tu payes sur le bouton, tu gardes ton doigt dessus, les balles, ils partent par en arrière un peu, puis ils vont jusque par en avant. Fait que ça fait comme un circle, là, que tu tires partout. Puis le troisième, c'est des genres de missiles. Donc, puis à chaque tableau que tu vas passer, tu vas débloquer un upgrade de ces armes-là. Donc, chacune des trois armes a trois upgrades. Donc, ça reste dans la même famille, là, si je peux dire, mais les upgrades offre d'autres possibilités. Puis tu vas choisir, dans le fond, lesquels que tu veux au début de chaque tableau. Donc, ça peut être clé, là, des fois. Le tableau, mettons, vu de côté, tu as du stock beaucoup à terre. Tu sais, les missiles, au lieu de prendre ceux-là qui partent droit devant, tu vas prendre ceux-là qui dropent vers le sol, aller péter ce qu'il y a au sol. Donc, à force de jouer, tu vas être en mesure de bien choisir chaque arme là, par tableau. Puis, dans ce jeu-là aussi, t'as pas de life bar, mais quand tu te fais toucher, tu perds l'arme de laquelle que tu utilises présentement. OK. Donc, ça te donne des chances, tu sais. Donc, t'as trois chances, finalement. Si tu te fais toucher avec tes balles de feu, tu perds les balles de feu. Après ça, il faut que tu switches, là, par exemple. Parce que si tu restes... Ben, quand t'as plus d'armes, tu tires là, du pea-shooter normal. Puis quand tu te fais toucher quand t'es sur ton pea-shooter, tu meurs. Puis quand t'as plus trois armes de disponibles, ben, c'est ça, t'as perdu tes trois shots et on veut que tu te fasses toucher. Donc, ça, c'est quand même cool. Puis à un moment donné, t'as comme plus le choix de faire le tableau avec l'arme qui est tellement pas si pratique que ça, fait que ça rajoute un petit edge, tu sais. Mais sinon, si... Tu peux foncer dans les murs, là, puis tu meurs là, quand même. Là. Arme ou pas arme, là, les collisions, t'en meurs de être là. Puis c'est ça, ce jeu-là, en fait, il n'est pas si long. Il y a juste 6 stages. Puis un peu pour ça que les gens l'ont critiqué aussi. C'est pas assez long, puis c'est pas si dur que ça non plus. Moi, je me rends quand même assez facilement là, en prenant les... Y a-tu des continues? Il y a des continues. Okay. T'en as pas illimité. Mais, tu sais, habituellement, avec un continu, je peux me rendre au dernier tableau. Tableau, je meurs là, à peu près dans le milieu parce que ça devient vraiment hardcore. Là, puis il faudrait que je joue un peu plus pour être capable de passer au travers. Mais je pense que c'est pas si impossible que ça. Okay. Mais les tableaux sont vraiment, vraiment beaux. Là. Chacun a son ambiance là, bien distincte. À un moment donné, tu survoles de la lave, puis il y a le gros bonhomme de lave qu'il y a sur le cover qui sort. Il y en a un autre que tu es dans une espèce de caverne souterraine là, avec de l'eau. Ça fait un peu penser à Gradius 3. Ben, ou Life Force. Ou Life Force, c'est vraiment dans le même genre. C'est dans le même genre. Mais le graphisme est beau, les armes sont belles, la musique est vraiment, vraiment excellente aussi. Mais ce qu'il y a de le fun aussi, c'est qu'il y a un jingle par tableau, mais il y a aussi un jingle par boss. Puis les boss sont vraiment gigantesques là-dedans aussi. Puis dans ce temps-là, c'était quand même assez nouveau d'avoir des boss aussi gros pour un shooter. Là. Donc, ils font là, facilement là, et presque la moitié de l'écran. Là. Il y en a un qui c'est une espèce de grosse soucoupe volante. Là. Ben, là, celui de lave, il fait presque... Ouais. Écoute, il fait quasiment tout l'écran, là. Faut vraiment que tu te tasses tout le temps. Donc, puis ils ont toutes leurs tunes. Ça, c'est le fun aussi, c'est cool. Là. Fait qu'ils ont pas, niaisé avec ça, là. Ils ont fait bien de la musique, de boss, là. Hein. Non. Puis il y a un petit jingle, là, quand tu pètes un boss aussi, là, qui est très dynamique, là. Ben, tu sais, quand t'as 6 tableaux en même temps, là, t'es mieux de mettre les efforts, c'est clair. Mais tu sais, il y a le souci du détail aussi, parce que vraiment, au niveau de la musique, du graphisme, tout est parfait. Puis il y a des petits twists. Quand t'es dans le tableau de la caverne, tu payes sur Start. Mm-hmm. Tu sais, ça fait tout le temps le Start de Konami. Là. Mais là, ça fait... parce que t'es dans une caverne, tu sais, il y a de l'écho, man. C'est malade, c'est malade. Ah, ben, ouais. So fresh. Ouais, c'est vraiment hot. Mais c'est ça. Donc, moi, j'ai pas réussi à finir ce jeu-là, mais j'ai lu que si tu peux jouer à Easy, Medium, Hard. Puis moi, je joue à Medium. Là. Non, habituellement, je joue tout le temps à normal. Ouais, normal parce que là, quand je considère que j'ai réussi un jeu, c'est que je l'ai réussi à normal, ouais, sans cheats. Là. Donc, à normal, je me suis rendu presque à la fin. Mais quand tu le passes à Hard, là, t'as la fin normale puis tout ça. Puis quand tu recommences, c'est encore plus dur. Donc, si tu réussis à le passer encore plus dur, là, il y a un secret message qui apparaît. Puis ça dit, mot pour mot, attends un peu, je vais te le lire, là. See you later in Accelerate 2. Donc, c'était comme un petit hidden, un petit easter egg qu'il y avait là, mais sauf que Accelerate 2 n'a jamais existé. Il n'est jamais arrivé. Parce qu'il n'y a personne qui s'est rendu là. Ben, c'est ça, tu sais. Ben, apparemment, il y a du monde qui se sont rendus là, puis ils ont réussi à avoir ce message-là, mais malheureusement, il n'y a jamais eu d'Accelerate 2. Mais c'est bien dommage, parce que c'est un beau shooter, c'est fait par Konami, puis ce sont bons, là. Il y en a des bons shooters, Konami, on s'entend. Ah, oui. C'est pas de la merde. Donc, celui-là est vraiment bien coté, puis beaucoup, très apprécié des fans. De shooter. Donc, moi, je vous le recommande totalement. Puis, un petit mot aussi sur l'historique de ce jeu-là. Il y a un type qui s'appelle... ça donne pas grand-chose de dire son nom, vous allez l'oublier. Kazuhiko Ishida, qui est dans les crédits pour avoir été dans le support program. Puis, ce gars-là a quitté Konami avec d'autres personnes, un peu à la manière des gens qui ont quitté Atari avec d'autres personnes, pour fonder Treasure. Ah, tu connais ça, Treasure, ben oui, un peu, leurs gros hits, c'était Gunstar Heroes, Radiant Silver Gun, Sin and Punishment, puis c'est un Christy de bon publisher. C'est un bon publisher. Astro Boy, Omega Factor sur le Game Boy Advance, c'est j'ai jamais joué, mais qui est vraiment bon. Attends, tu l'as essayé? Vraiment bon, oui, je l'avais acheté. Je le veux, celui-là. Très bon jeu. Donc, voilà, il y a des types là, de Treasure, dans le fond, qui sont en arrière de Axelay. Donc, très bon shooter, il y a plus de valeur que je pensais, c'est vrai, j'avais rechecké. Moi, je l'avais eu à très bon prix, là, mais à peu près, je pense, une vingtaine de piastres. Là. Okay. Mais ça vaut la peine. Ben écoute, ça vaut la peine. Il est sur la console virtuelle. Il est sur la console virtuelle. À 800 points. Fait qu'à 8 piastres. Easy, absolument. Après ta critique, je m'en vais l'acheter. Bon, c'est vraiment. Ça vaut le prend. C'est le fun. Cool. Parce que c'est le fun. Vu que la musique est bonne, le graphisme est beau, même si c'est pas long. T'apprécies ton expérience, puis t'as envie de le refaire. C'est ça. Quand même, là, vu que les tableaux sont le fun, sont variés, puis t'as plusieurs ans, t'as assez d'options qui fait que t'as le goût d'y revenir, puis d'essayer de passer ce jeu-là. Là. Ben, tu sais, je parlais de Life Force tantôt, c'est le même principe. Life Force, on fait le truc des 30 vies, tu finis le jeu, Fait que, tu sais, t'as tout le temps la même expérience, mais c'est tout le temps le fun. Là, c'est tout le temps le fun. Un excellent jeu, accéléré au Super NES. Nice! Moi, je vais vous parler rapidement de deux petits jeux, un plus gros que l'autre, sur plateforme iOS. Je suis un grand fan de Katamari Damacy, c'est vraiment un univers formidable. Puis, Katamari Damacy, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est tout simplement un prince qui va aller sur Terre pour ramasser des objets pour le roi. Puis, ces objets-là, il va les ramasser à l'aide d'une grosse boule. Puis cette boule-là, les objets vont coller dessus. Donc, il roule la boule, puis les objets collent dessus. Il va essayer de ramasser de plus en plus gros objets. On va commencer par ramasser des Q-tips, puis on finit par ramasser des autos, des maisons, des buildings, des terres même, des planètes. Donc, c'est ça. Dans Katamari Amore... Ça se situe où, ça, là, dans la série? Là-dedans, en série, là, vraiment, c'est la même chose. On se retrouve à la même place. Il n'y a pas vraiment eu d'évolution depuis les derniers. Puis ce que ça nous a... Mais c'est juste que c'est fait maintenant pour le iOS. Là, ben, finalement. À vrai dire, c'est qu'il y en avait eu un, Katamari, pour... Il y avait eu Katamari Damacy déjà pour iOS. Okay. Mais celui-là, on est allé vraiment... on est allé vraiment en faire un pour l'iPhone avec les Retina Graphics. Donc, le graphisme est beaucoup plus intéressant. C'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes tableaux. Puis bon, évidemment, la performance est beaucoup mieux. Les contrôles, on a finalement réussi à faire d'autres contrôles parce qu'il y avait eu des contrôles auparavant avec le tilt control, les contrôles de mouvement. Puis ça fonctionnait plus ou moins bien. Des fois, j'avais quand même de la misère à jouer avec l'original. Okay. Avec celui-là, on a décidé de mettre un pad à gauche Puis avec ce pad-là, ben, on avance, on tourne à gauche, à droite, on recule, puis ça fonctionne très bien. Toujours autant de misère à faire une course, c'est-à-dire de taper plusieurs fois en haut, puis de s'en aller super vite en avant. Ouais. Ça, c'est très difficile à faire. Donc, ça, je trouve ça plate. Il n'y a toujours pas de façon de le faire facilement. Puis ça serait bon que ce soit avec un bouton. Ils n'ont pas non plus continué dans la même veine que Katamari Forever qui était sorti sur les consoles où on pouvait sauter. Donc, c'est pas le même principe. On peut pas sauter là-dedans. C'est plus vraiment le votre typique Katamari Damacy. Il y a 6 tableaux dedans, mais 6 tableaux avec 4 modes différents. Il y a évidemment le mode scénario, un mode contre la montre, un mode infini. Puis, si je me souviens plus du quatrième mode, je pense que c'est un mode collection. Mais bref, on va faire le mode scénario, les tableaux un après l'autre, mais c'est le genre de jeu où on va retourner dans ces tableaux-là sans arrêt parce que on va avoir justement une plus grosse sphère, tout ça, ça fonctionne bien. Bref, on offre 3 types de contrôles là-dedans. On offre les contrôles avec le pad, comme j'ai dit tantôt, avec 2 pads comme sur la version console ou avec les contrôles de mouvement. Moi, je vous suggère fortement avec un pad, c'est ça qui va le mieux. C'est un bon jeu, surtout pour le prix. C'est $3.99, donc okay. C'est la meilleure version de Katamari Damacy qui existe sur iOS. Vraiment, achetez ça, c'est un bon jeu. En plus, il y a un beau petit niveau où on va aller ramasser Pac-Man. On se retrouve dans un niveau de Pac-Man, vu que c'est Namco qui a travaillé ça. Ouais, c'est ça. Fait que on va ramasser Pac-Man là-dedans. C'est vraiment cool, c'est très bien fait. Par contre, bon, la musique est pas aussi bonne. J'aimais beaucoup mieux la musique des autres Katamari. J'ai l'impression qu'ils ont changé d'équipe là-dessus. Okay. Mais bon, c'est un petit bémol parce que le reste, c'est quand même pas mal le fun. 3,99$, vraiment pas cher. Si t'as jamais joué à Katamari, c'est une bonne façon de commencer ou Ouais, ça serait une bonne façon de commencer. La meilleure façon de commencer, ben franchement, Katamari, c'est de jouer à l'original. Katamari Damacy sur PlayStation 2. Ouais. C'est vraiment le meilleur qui est sorti jusqu'à maintenant. Et Katamari Forever, que j'avais fait en critique à Monsieur Net, était très bon. Sur quelle plateforme ça? Moi, j'ai essayé sur PS3, okay. Disponible sur 360 aussi. C'est un bon jeu. Par contre, l'original, l'affaire qu'il y avait, c'est que tout fonctionnait à merveille. Je veux dire, c'était beau, la musique était parfaite dans tous les tableaux. Puis, on allait vraiment loin. On partait avec des petits objets, on finissait avec d'énormes objets. Ouais. Puis, les environnements étaient grands. Dans Katamari Forever, le problème, c'est qu'on a donné la même affaire qu'on a donnée depuis le début. Puis ça, c'était un peu plate parce que le monde, ben, tu sais, il y a eu We Love Katamari, il y a eu plein de versions de Katamari Damacy, mais on n'a jamais apporté vraiment d'autres choses. Dans le dernier, dans Katamari Forever, sur les consoles, on offrait le saut, juste de sauter. C'est pas tant de choses que ça de nouveau. Donc, moi, je dis vraiment, l'original, c'est encore le meilleur. Donc, deuxième jeu iOS que je vais vous parler cette semaine, c'est un jeu bien simple qui a gagné plusieurs prix de développeurs indépendants. Ça s'appelle The Incident. Et c'est un jeu que vous retrouverez même pas dans le top 100 ou dans le top 200 sur iTunes. C'est un jeu qui a quand même eu un certain succès. Ça s'est sorti milieu 2010. Puis ce que c'est que c'est un jeu bizarrement, justement on est à rétro nouveau, ça pourrait passer pour un jeu rétro parce que le look, c'est un look 8-bit totalement là, c'est vraiment un petit peu plus de bits quand même. Peut-être qu'on se retrouve là sur Super Nintendo, genre fait penser à un jeu flash un peu Oui. Mais c'est ça, bref, ce que c'est The Incident, c'est que c'est cartoony un peu là, ouais, quand c'est même, un petit là. Peu cartoony. On est un homme d'affaires, puis on arrive dans la rue comme ça, puis il y a tous les objets qui sont dans la ville se propulsent dans les airs pour retomber au sol. Donc nous autres, on essaye d'éviter ces objets-là qui tombent au sol en tout simplement en bougeant notre console, notre plateforme iOS de gauche à droite. Puis, ça fonctionne à merveille, vraiment. Là. C'est vraiment... Fait que là, il y a une empilade d'objets qui te tombent sur la tête, puis toi, il faut que tu montes en haut. Oui, il faut que tu montes en haut. Tu peux tasser aussi un peu ces objets-là, parce qu'il y a de la physique, fait que les objets s'empilent, mais s'il y a un objet plus lourd qu'un autre ou qui se retrouve ailleurs, on va pouvoir le tasser aussi. Puis il y a. Mais c'est quoi le but? Le but, c'est juste de. Non, c'est une très bonne question. Le but, c'est juste de se rendre plus haut, de se rendre en haut complètement. OK. Puis tu meurs à force de recevoir des affaires sur la tête. C'est ça. OK, OK. Si tu reçois, je pense que c'est ça, si tu reçois deux affaires sur la tête, tu meurs, mais tu peux attraper un casque de sécurité, tu peux attraper de l'énergie. OK. Il y a des diamants aussi qui tombent du ciel, il faut que tu ailles attraper. Il y a plusieurs niveaux. On commence dans la ville, on va finir dans l'espace. Donc, ouais, c'est vraiment... j'ai vu ça. Ça monte haut, hein? Ça monte haut pas mal. Puis c'est ça, c'est... Tu sais, quand on regarde... moi, j'étais pas au courant du jeu quand il est sorti. Tu l'as connu comment? Hein? Je l'ai connu... ça a été un peu hasard. J'ai vu le trailer sur Internet. Je cherchais autre chose. J'ai vu le trailer... Puis là, on parlait en français, j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce. J'ai vu la bande-annonce, puis tout de suite, j'ai été accroché, vraiment. Je trouvais que le jeu était super beau, puis je trouvais que la thématique, la technique de jouabilité, finalement, la mécanique, était très, très simple. Puis ça avait l'air difficile d'avancer dans les tableaux. Ça avait l'air d'être le genre de jeu parfait quand t'as un petit deux minutes à perdre. Absolument. C'est exactement ce que c'est. Là. Ouais. C'est vraiment, c'est pas un jeu, tu joueras pas une heure à ça, jamais. Mais c'est le fun parce qu'il y a énormément d'objets, t'sais, il y a une grosse variété, puis c'est le fun, admettons qu'il y a, je sais pas moi, une pancarte de l'échangeur Turco ou whatever qui tombe. Ouais. Ça va dire, vous êtes décédé par la pancarte de l'échangeur Turco. Okay, okay. À 3 mètres du sol, tu sais. Ouais, donc ouais. C'est vraiment cool, c'est cute, c'est super le fun. Ça vient d'un développeur indépendant qui ne vient pas, évidemment, du Québec. Mais c'est ça, c'est Big Bucket Software qui a fait ça. Puis c'est un très bon jeu. Combien ça coûte ça? Moi, il m'a coûté 2$, mais il change de prix. Écoute, l'autre fois, je suis retourné, il était 3$. Fait que, ah ouais? Oh boy. Je ne sais pas, mais c'est en dedans, c'est 2 à 3$. Même des fois, quand les développeurs s'aperçoivent qu'ils ont un certain succès, ouais, ils, montent ils vont monter le prix. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est correct. Là, c'est 2$ ou 3$, ça fait ça paye à manger aux pauvres développeurs. Ouais, c'est ça. Tu sais, faut que tu fasses ton argent quand même. Hein? Hein? Fait que cool. C'est ça, The Incident. Allez chercher ça sur iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc, moi, je vais enchaîner avec mon deuxième shooter. J'en ai déjà parlé souvent sur mon blog. Ce jeu-là est totalement fascinant. Ça s'appelle Einhander. C'est un shooter qui était sur le PlayStation 1. Et puis, ouais. Ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il a été fait par Squaresoft, qui, vous le savez, est connu pour les RPG. Mais Squaresoft a déjà fait d'autres choses que des RPG, dont Bushido Blade. Puis ça, c'en est un autre. Donc, c'est un shooter, là. Il est vraiment spécial. Je vais commencer par raconter un peu l'histoire de ce jeu-là, parce qu'il y en a une histoire. C'est ça se passe après la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale oppose la Terre à une colonie lunaire qui s'appelle Céline. Puis là, je parle pas de Céline Dion. Céline Dion. C'est S-E-L-E-N-E, Céline. Donc, il est rendu là, à la Troisième Guerre mondiale, en 2145, je pense. Il y a du monde qui habite sur la Lune. Okay. Puis il y a une colonie, là, puis ils sont, dans le fond, quasiment un pays à eux-mêmes, une planète à eux-mêmes. Ah. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, dans cette guerre-là, la Première Guerre, la Lune, elle, je sais pas pourquoi, là, elle est comme vraiment équipée, tu sais, en armes. Elles sont vraiment puissantes. Puis, ils voulaient être indépendants. Puis, la Terre voulait pas, apparemment. Donc, ils ont comme juste carrément détruit la moitié, presque toute la surface de la Terre. Là. Fait que là, Terre, il reste rien que des wrecks, là, il reste rien. Mais il y a des îlots là, qui sont pas morts. Puis, étrangement, l'Allemagne en fait partie. Donc, pas étrangement. Ben, dans l'histoire, ils ont choisi l'Allemagne. Je sais pas, c'est développé par des Japonais, mais ils ont choisi l'Allemagne. Donc, Les communistes. Ça se regroupe autour de l'Allemagne, puis ça reste là. Okay. Comme ils font un empire, puis comme la Terre, c'est plus grand-chose, la Lune est de son bord, puis c'est réglé. Mais là, après ça, la Lune commence à manquer de ressources. Puis là-dedans, ils utilisent du nitrogène pour vivre. Ils cultivent le nitrogène, puis il n'y en a plus sur la Lune. La Lune est tout petite, la Terre en a encore pas mal. Donc là, la Lune part en guerre encore contre la Terre, va essayer de scraper la Terre le plus possible pour aller prendre du nitrogène. Puis cette fois-là, pour s'attaquer à la Terre, ils utilisent des vaisseaux à Einhander. Qui sont des vaisseaux kamikazes, en fait. C'est ça qu'on est. On est des vaisseaux kamikazes qui sont envoyés sur la Terre pour faire le plus de dommages possible. Okay. On n'est pas supposé s'en sortir vivant. Tabarnak. Apparemment. Ben, moi, je m'en suis jamais sorti vivant. J'ai pas réussi à finir le jeu. Donc, c'est ça, les vaisseaux. Il y a, pendant 2 ans dans l'histoire, il envoie des Highlanders à la Terre là, pour essayer de tout péter. Donc, j'imagine la phase des Terriens quand ils sont comme. Non, Highlanders qui portent dans le ciel avec des gros guns, puis ils s'en viennent tous scraper. Il n'y a que pour le plaisir de scraper. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que aussi pour le nom Highlander, je vais nous en parler, ça veut dire. Single-handed, donc à une main. C'est un mot allemand. Okay. Donc ça fit là, dans l'histoire. Puis c'est les Terriens qui ont appelé ces vaisseaux-là qui leur arrivaient d'en face des Highlanders parce que la gamique de ce jeu-là, puis c'est ça qui fait la beauté de ce jeu-là, c'est le système d'armement. Oui. Tu te promènes, t'as 3 sortes de vaisseaux, mais t'as un bras. Oui. Puis quand tu tues un ennemi, ben pas tous les ennemis, mais il y a beaucoup d'ennemis qui ont des armes sur eux autres. Quand t'es tué, ils volent en éclats, puis le gun que l'ennemi a, il part dans les airs. Fait que toi, tu l'attrapes au vol, puis ça devient ton arme. Donc ça, c'est super cool, parce qu'il y a un vaisseau, t'as 3 vaisseaux, il y en a un qui a juste une arme, puis comme 2 pea shooters. L'autre, il y a un pea-shooter normal, puis deux pods là, qu'il peut équiper avec son bras. Puis l'autre, il y en a 3. Donc, tu peux aller chercher jusqu'à 3 guns là, qui volent dans les airs de tes ennemis pour équiper. Puis ces guns-là, mon gars, là, sont juste trop hot. Là. Il y en a une bonne variété. Là. Il y a le gun de base, un Vulcan, une espèce de canon rotatif. Ouais. Ça shoot. Puis t'as pas unlimited ammo là, là-dessus. Là. T'as des balles, faut que tu checkes tes balles. Ouais, mais tu vois le nombre de balles en dessous. Tu vois le nombre de balles. Quand tu tires une balle, t'as un petit meter. Là, ouais. Je parle beaucoup en anglais, hein. Désolé, ça y va tout seul. Puis ça descend, une balle. Puis c'est ça, écoute, t'as un espèce de canon là, qui tire là, des grosses shots. Là, c'est un spreader qui appelle là-dedans. C'est comme ça tire en 3 directions. T'as même un superbe sabre laser que tu gardes ton doigt sur le bouton. Puis là, c'est un sabre laser. C'est un sabre laser. Ça reste comme une espèce d'épée. Mm. Puis dans le fond, les armes que t'as, comme mettons, t'en as 2 sur ton vaisseau. Ouais. T'en as une au-dessus, puis une en dessous de ton vaisseau. Puis tu peux alterner. C'est ça, ça dépend pas du vaisseau que tu utilises, ça? Oui. Mais en fait, si tu prends le vaisseau qui a juste un gun, tu peux le mettre en haut ou en bas. Okay. Mais si t'en as un à 2 guns, puis lui à 3 guns, il est à 2 guns pareil, sauf qu'il y en a un qui est caché, t'es alternes quand même d'en haut puis en bas. Fait quand cool, l'homme, ça. Le gun vole dans les airs, tu l'attrapes avec le dessus de ton vaisseau, il va s'équiper en haut. Ou quand le gun est en bas, tu plonges dessus, il va s'équiper en bas. Mais tu peux les switcher aussi, parce qu'il y a des guns qui vont bien pour tirer vers le bas. Puis, t'sais, donc, tu joues avec ça. Ça, c'est vraiment cool. Puis l'épée laser, pour y revenir, elle sort, là, elle est vraiment longue, elle fait quasiment tout l'écran. Puis quand tu pèses sur le bouton pour la switcher en haut puis en bas, elle fait... Elle attaque partout dans l'écran. Là. C'est comme si un sabre laser, comme un Jedi qui switch l'écran au complet. C'est juste fou. Là. Non, il y a d'autres canons, le Riot, là, qui donne, tu gardes ton doigt sur le bouton, il se craint, puis il donne une espèce de décharge électrique. Puis c'est le bruit des armes. Les bruits sont parfaits. Des grosses décharges. Le canon, c'est pouf, pouf. Puis tu vois les douilles, tu sais. Le gun, là, le canon, il fait pas juste comme tirer. Là. Ouais. Il y a comme un crinqueux en dessous là, qui crinque à chaque coup, puis ça fait paf, paf, puis il y a une douille qui tombe, tu sais. C'est cool. Ils ont mis le paquet, là, dans le graphisme, tu sais. Mais il y avait l'atmosphère aussi, parce que moi, c'est ça, j'ai Iron Man 2, je l'ai acheté quand il est sorti, j'ai adoré ce jeu-là, puis je trouve que c'est d'un jeu de PlayStation 1, là, c'était rare, le jeu qui a une atmosphère comme ça. Ah, totalement, mais tu sais, l'atmosphère est super belle, tu sais, c'est bien lugubre, encore une fois, ça se passe... Sur la terre, en fait, mais des fois, t'es au-dessus d'un espèce de long champ, là, c'est la nuit. Moi, au début, t'es dans la ville, à travers la ville, tu fous la merde dans la ville. Au Japon, t'as plein d'écritures des néons partout, tu passes au travers de ça. Mais ce qu'il y a de le fun, c'est que les stages sont pas délimités. Mm-hmm. Tu fais les stages un par un, mais ils te donnent jamais l'impression que t'as fini un stage. Ouais. Ben, tu sais, quand le boss meurt. C'est un fil continu. C'est un fil continu. Ton vaisseau, il pète le boss, puis il continue son chemin à travers le même niveau. Puis là, d'un coup, whoop, il rentre dans dans une base militaire. Puis là, t'es rendu au vaisseau de la base militaire. Fait que t'as l'impression que tu le fais tout d'une traite, même si tu le fais quand même par section. Pour ça, c'est vraiment cool. Tu sais, il y a des boss de demi-niveau, de mi-niveau, puis il y en a de fin de niveau. Donc ça, encore une fois, puis ils sont pas tant... un dans le milieu, puis un à la fin, puis un dans le milieu, puis un à la fin. Fait qu'ils jouent avec ça, donc t'as jamais l'impression que c'est redondant, là. Puis tout est tellement varié que tu fais l'histoire, là. C'est ça. Puis la musique est excellente, là. C'est le genre de musique. Un extrait, là, mais... c'est dans la mode la musique techno du PlayStation 1, ouais. Là, vraiment, là, c'est très PlayStation 1 comme musique. Mais je vous le dis, là, le gun, mettons, t'arrives à un boss, là, pis t'as un canon avec 30 shots dedans, là, pis le boss, il est un peu, tu sais, au début, il arrive, il saute pas dessus tout de suite, là, ouais. Fait que t'as le temps un peu de l'attaquer, tu sais. La musique techno en back, t'as ton canon, man, c'est full blast, là, tar, la musique en arrière, tu sais. Toute l'ambiance de ça, là, je te jure, t'en as des frissons, là, parce que c'est rapide, pis c'est beau, pis le sprite du vaisseau est très gros aussi. Ouais. Puis t'as pas des ennemis là par million, tu sais, ou des balles par million. Tu vas souvent mourir de collision. Ben pas, non, tu vas pas mourir de collision si souvent, mais plus un petit peu une balle perdue ou parce que t'es coincé. Mais c'est pas, tu sais, t'es pas comme oh, je m'en sortirai jamais. T'as tout le temps l'impression que tu peux passer là. Tu sais, t'es pas coincé tant que ça. Mais c'est toujours vu de côté. C'est ça. Toujours. Mais des fois tu y vas à la verticale. Ouais. Ou des fois t'es dans un plus petit corridor. Tu sais, t'es comme un petit peu coincé. Non, puis des fois, ce que j'aime aussi, c'est que ça se penche un peu, il y a comme un espèce de 45 degrés. Oui, dans le premier niveau, ça le fait, ça. C'est ça. Quand tu passes, mais jamais que tu joues tant que ça. T'en vas dans un faire boss, la guerre dans le 45 degrés, okay. Mais ils s'en servent pour faire des transitions aussi. Fait que ça fait... C'est vraiment cool. Mm. C'est comme les jeux 2.5D, tu sais, que t'es... C'est un jeu en 3D, mais t'as quand même... Tu vas quand même de gauche à droite, là. Ouais, absolument. Non, ce jeu-là, moi, quand j'ai joué à ça pour la première fois, j'ai trouvé ça juste trop beau. Hein. C'est l'ambiance, là, l'ambiance qu'il y a là-dedans, là, c'est superbe. C'est dur, mais tu t'y fais. C'est réalisable. C'est réalisable. Je me suis rendu au stage... je sais plus lequel, là, parce que justement, c'est, j'ai pas écrit stage 1, tu sais, fait que je sais pas trop c'est lequel exactement, mais là, je suis juste pas capable de passer. J'ai 9 continues, tu sais, puis je les ai toutes passées là, il y a trop de monde, là, je meurs. Mais les boss, tu vois, ici, on le voit, là, les boss sont tous très différents les uns des autres, sont super originaux, puis c'est la Terre, là, qui se bat contre toi, là, tu sais, fait que dans le premier niveau, t'as comme une espèce de gros robot police, là, tu sais, avec un méga canon. Mais, tu sais, toi, t'es la peste, là, en même temps. C'est ça qui est le fun là-dedans. T'es comme le bâtard, là, celui que tout le monde haït, là, puis tu viens foutre la merde, là, puis la musique techno en arrière, et tes shots de canon, là, non, c'est... Non, c'est vraiment cool, puis c'est... moi, il y a une affaire aussi que j'ai trouvé plate dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de mode co-op. Non. Je comprenais pas quand il était sorti. J'étais comme, OK, oh, on joue. Ah, l'autre pince sa main de PlayStation 1, on peut pas jouer. C'est épouvantable qu'un jeu de même ait pas de mode à deux. Ouais. Puis il n'y a pas eu de suite non plus. Il n'y a pas eu de suite, puis il n'y a pas eu rien. Pourtant, le jeu a été un succès, en tout cas, du moins au niveau de la critique. Ben, je pense que c'est un succès commercial aussi quand même. Je sais pas si ça a vendu là, en millions ou en milliers. Là, en même temps, c'est... je sais pas si c'est sorti quand exactement ou qu'est-ce qui est sorti en même temps que ce jeu-là pour lui faire perdre sa popularité, en tout cas, qu'il aurait pu avoir. T'sais. Peut-être que c'était plus le temps de faire des shooters. T'sais. Peut-être que c'était à la fin du PlayStation, je ne sais pas. Il est sorti en 98, le 30 avril, en Amérique du Nord. T'sais. Mais je ne sais pas en même temps que quoi. T'sais. Puis tu sais-tu quoi? Il est disponible au Japon sur le PlayStation Network, mais pas ici. Hey, c'est ça qui est triste là-dedans. C'est chien, c'est... Depuis le 25 juin 2008, sur le PlayStation Network au Japon. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de bon sens, un bon jeu comme ça. Mais moi, je l'ai acheté sur eBay, 50$. Il est en super bonne shape. Si vous le voulez, là, puis je vous le conseille là, totalement, j'en ai vu une copie au Game Boss du Centre Eaton, pour ceux qui habitent dans les environs de Montréal. Il est quand même 80$. J'ai appelé, j'ai appelé le gars, là, parce que je l'ai vu, j'étais avec mon fils, là, je m'achetais des souliers, tu sais, j'étais pressé. Tu vois, oh, il y a un Highlander ici, OK, on va y revenir. Donc, j'étais au bureau aujourd'hui, j'ai appelé le gars, puis ton Highlander, il est combien? Fait 80$. Il dit que le CD, il est graffiné un peu. Là. Okay. Puis là, j'ai demandé s'il était négociable là-dessus. Je suis pas mal sûr. Ben, il a dit que oui. Donc, moi, je pense que vous pourriez peut-être le négocier, ce gars-là, à 60$ pour Highlander. Okay. Donc, mettons, moi, je l'ai acheté 50$ sur eBay plus shipping, tu sais. Donc, 60$, pas de shipping. Cette copie-là du Game Boss semble très intéressante. Le livret, il est clean. Donc, écoute, moi, c'est un must là, pour tout le monde, même si vous n'aimez pas les shooters. Là, ben, si vous n'aimez pas les shooters, je ne vois pas à ça. Shooters, mais si vous n'avez rien contre les shooters, en fait, puis vous voulez découvrir un jeu qui est vraiment superbe, là, ça, c'en est un. Les boss épiques, là, tu même le vois. Maintenant, là. Même maintenant. Moi, j'ai joué là, cette semaine, j'ai joué à plein d'affaires pour Rétro Nouveau, puis plein de trucs. Puis je te jure, je voulais recommencer ma game dans Highlander, puis continuer à jouer parce que c'est super. Le graphisme est. Et fait pas vieillot, pas en tout, là, c'est pas carré. C'est des machines aussi, tu sais. Ouais, c'est des machines, ça marche, des machines carrées, mais tu sais, moi, je rejoue à Crash Bandicoot, mettons, je regarde ces jeux-là, je trouve le rendu Tomb Raider, c'est pas beau, tu sais. Ouais. Ça, c'est super beau, là. Totalement. Ils ont mis le paquet. Puis c'est sorti après Final Fantasy VII, donc j'ai lu que les Square ont intégré des éléments de comment dire, de développement, en tout cas des twists, des trucs qu'ils ont appelé, qu'ils ont appris en faisant Final Fantasy VII, ils ont intégré ça là-dedans, là, donc ça fait vraiment beau. Là. Donc, un must là, vraiment pour tout le monde, Einhander, PlayStation 1. Cool, donc moi je vais vous parler de Kirby Mass Attack. Hey, c'est valable, j'avais pas ma DS, on aurait pu en faire une critique PictoChat. Oh! T'es-tu, j'ai repensé à ça cette semaine parce que, tu sais, la DS, tu peux pas aller online là-dessus à part pour justement, comme te loguer. Tu peux pas aller online. Ben non, c'est ça, tu peux juste avec la DSi. Ouais. La DS, tu peux pas aller mais sur Internet. Mais le PictoChat, là, c'est pour jaser, ça. Ouais, mais ça se fait quand t'es proche de quelqu'un, puis tu peux jouer à des jeux quand t'es proche de quelqu'un aussi. Hein, oui, ça aussi. Mais c'est drôle parce qu'on s'en fout tellement de ça. Mais moi, je pensais, mais ma blonde est travailleuse sociale, puis elle a travaillé aussi dans les centres jeunesse. Okay. Puis dans les chambres, là, les jeunes sont dans des chambres, qui ne sont plus barrées d'ailleurs maintenant, mais s'il y en a qui paniquent avec ça. Mais puis tous les jeunes ont des DS dans la vie, là, ça fait que PictoChat, eux autres, pendant qu'il fallait qu'ils soient couchés ou whatever, tu sais, ils se picto-chattaient entre eux autres de chambre en chambre dans les centres jeunesse. C'est drôle. Ça a servi à quelque chose, à une place, tu sais. Ah ouais, ça a servi dans les centres jeunesse. Bravo Nintendo, tu sais. Bon. Ça a servi à ça. Donc, je voulais juste mentionner ça. C'est très drôle que finalement, ma blonde m'apprend que picto-chat, ça sert à de quoi. Aïe, aïe, moi, je m'en ai jamais servi dans cette affaire-là. Il n'y a pas de monde, tu sais, je veux dire. Ben, je suis pas une petite fille de 14 ans non plus, fait que ça. Je sais pas, je pense que c'est plus justement les jeunes à l'école qui vont se servir à l'école, de ça. À l'école, ouais, c'est ça. T'sais. Mais bref, Kirby Mass Attack, on l'avait essayé pendant la présentation post 3, puis vraiment, c'est, le jeu déjà, on était quand même assez accroché pour une démo japonaise. J'avais aimé ça au bout. On avait trippé, puis là, la version complète est sortie, puis. Moi, j'ai même pas attendu, je suis allé l'acheter. Oh, t'as bien fait. Bon, on l'avait déjà essayé, de toute façon, on savait que c'était une valeur sûre. Là. C'est ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que ce jeu-là est complètement. Contrôlé par le stylet. Tu sais, il y a aucun contrôle autre que ça. T'sais. J'adore ça. Moi, je suis pas tout le temps. Non? Je suis pas tout le temps 100% content qu'un jeu de DS soit avec le stylet. Parce que je suis. Je suis old school, toi, avec, tu l'es, mais moi, moi j'aime la simplicité. J'aime. Là. Moi, je suis old school au sens que, tu sais, mais pas des boutons pour rien, genre. Mais non, ça, fois, c'est sûr. Tu sais, il y a une manette, les manettes de nos jours, là. Il y a des pitons là-dessus. Là. Tu peux pas commencer à jouer sans comme prendre un bon 15 minutes d'apprentissage. Là, c'est ça qui m'accueille dans la vie. Tandis que c'est ça, t'arrives là-dessus, puis c'est vraiment pas compliqué. Puis Zelda, Phantom Hourglass, au stylet au complet, c'était magique ce jeu-là. C'est vraiment, ça marchait. Mais là, je trouve que justement, tu sais, Phantom Hourglass, des fois, j'aurais aimé avoir plus de précision. Ouais. J'avais pas tout le temps l'impression de contrôler mes affaires, tandis que là, dans Mass Attack, tu contrôles vraiment très bien tout. Ce que c'est Mass Attack, c'est qu'il y a un Kirby qui va s'en aller sur une étoile, puis il va se faire attaquer, puis il va se faire diviser en 10 Kirby différents. Puis bon, on va pouvoir retrouver ces Kirby-là à plusieurs endroits. Puis ce qu'il va falloir faire, à vrai dire, c'est qu'on arrive au début dans le tableau, puis on commence à un Kirby. Ouais. Puis, avec ce Kirby-là, on avance avec l'aide du stylet. Il va avoir une étoile sur l'écran, puis on pèse avec le stylet, puis il va continuer à aller dans la direction qu'on lui donne. Si on tape une fois sur un ennemi, il va aller dessus, puis il va le battre. Ouais. Si on veut le battre de plus en plus, on tape plus sur l'ennemi. on va ramasser des fruits pendant le tableau, puis ces fruits-là, quand on en a 100 ou un équivalent à 100, il y a un autre Kirby qui apparaît. Donc là, d'où l'expression mass attack, tout simplement, parce que on va ramasser plusieurs Kirby jusqu'à 10, puis plus on est curvy, évidemment, plus on est fort. Fait que on peut. Plus on rit. Ouais, plus on rit. Plus on est curvy. Plus on est curvy, plus on rit. Ah! C'est ça, fait que quand on est 10, disons qu'il y a des actions qu'on peut faire qu'on pourrait pas quand on est 1. Comme des fois, il y a des vignes au plafond, puis si on tire avec un Kirby, il n'arrivera pas à la faire descendre, tandis que si on est 5 ou 6, on va pouvoir la faire descendre puis détruire le plafond. Aussi, même chose pour les ennemis. Il y a des ennemis qui sont impossibles à détruire si on est un Kirby. Il y a même des tableaux, parce qu'on fait les tableaux un à un, puis ils se débarrent les uns après les autres. Puis il y a des tableaux qu'on peut pas faire si on n'a pas assez de Kirby. OK. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Tu refais le tableau avec plus de Kirby? Un tableau pour trouver des Kirby, puis revenir quand tu as tout. Jusqu'à maintenant, il m'est pas vraiment arrivé d'avoir de problème. C'est assez facile, Kirby, d'habitude. Ça se fait bien, mais il est quand même difficile. Ah ouais? Moi, je m'attendais à ce que ça soit un peu simplet, parce que tu te dis, ben, regarde, pour taper un ennemi, c'est pas dur. Là. Je me pogne 10 Kirby, je tape dessus une fois, deux fois, puis il meurt. Mais non, les ennemis vont se trouver des mécaniques. Il y en a qui vont souffler sur nous autres. Okay. Il y en a qui vont pousser des trucs sur nous, puis il va falloir qu'on on bouge le stylet de gauche à droite pour pouvoir foncer sur un bloc pour renvoyer l'ennemi dans un trou. Okay. Y a quand même des dynamiques différentes. À un moment donné, on va se trouver dans l'eau, on va nager à la place, il y a des places qui vont nous aspirer, il va falloir s'en sauver. Okay. Donc vraiment, on va là, à gauche et à droite avec ça, on joue même avec la gravité à un moment donné, avec l'orientation du tableau. Okay. Le jeu est très... Faut-tu que tu tournes ta DS là? Non, c'est ça, il n'y a aucun truc de contrôle ni rien de tout ça, c'est très classique comme jeu, sauf pour le stylet. Qui est vraiment la seule façon de contrôler le jeu. Puis c'est un jeu qui, je veux dire, on commence, c'est vraiment simple, c'est vraiment pas compliqué, puis on comprend le jeu très rapidement. Il y a d'ailleurs un tutoriel tout au long des premiers tableaux. Ouais, c'est ça, ils te l'apprennent comme ça. C'est ça, on comprend assez rapidement comment jouer, puis ça se fait bien, puis il y a même des boss, puis les boss vont être plus compliqués, comme les ennemis au départ, les ennemis... sont là, puis ils arrivent sur toi, puis si tu fais rien, ils vont te tapocher. Sauf que il y en a aussi qui ont des armes, il y en a qui ont des pics sur eux autres, fait que tu trouves une autre façon de les détruire, tu sais. Comme les boss, il y a une espèce d'oiseau, au début, ils te lancent des espèces de grosses boules piquantes, faut que tu attendes la boule soit tombée, faut que tu sauves toute ta troupe de Kirby, tes tasses, pour pas qu'ils se fassent pogner par la boule, qu'après ça, tu ailles le frapper, qu'après ça, tu le laisses au plancher, puis tu ramènes tout le temps des Kirby dessus. Donc, il y a tout le temps une technique quand même pour combattre. C'est pas un jeu qui a une idée en tête et qui est super facile tout le long. Au contraire, il y a des gros challenges dans ce jeu-là. Là. Ça m'est arrivé de recommencer des tableaux quand même. OK, OK. T'as-tu passé au travers? J'ai pas passé au travers encore. C'est long, ça a l'air? Je le savoure encore. Ouais. C'est quand même assez long. Moi, je dirais que c'est un jeu qui va prendre à peu près entre 6 et 8 heures à finir. Ah, 8 heures? Pour un jeu de DS, c'est gros. Ouais. Là. Ben oui, on est loin de Kirby, l'original, le Game Boy, qui était capable de faire en une demi-heure. Oh, oui. Qui était très bon, mais tellement court. Il était vraiment trop court. Parce que ça, là, je pense qu'il y avait à peu près une quarantaine de tableaux. OK. Puis il y a plein de trucs qui sont cachés. Entre autres, dans le tableau, il y a des médailles. Comme dans Kirby, toujours, il y a des affaires à trouver. Hein. C'est ça. OK. Fait que là, il y a des médailles qui se retrouvent dans le tableau. Fait que ces médailles-là, il faut les trouver, puis on va avoir un score dépendant de nos médailles. L'incitatif à ramasser les médailles, c'est qu'on va on va débloquer des mini-jeux. Puis ces mini-jeux-là, ben, Colin, sont le fun. Ah ouais. Hein? Ils sont vraiment le fun. Tu sais, c'est des mini-jeux, là. Il y en a un que c'est de la course. Ton Kirby, il attend d'avancer, puis tu as 3 touches en bas. Faut que tu décides de voir si c'est carré, triangle ou rond pour avancer. Fait que tu as des logos en avant de Kirby, puis tu avances de plus en plus vite. Il y en a un autre que c'est un espèce de jeu de mémoire. Il y en a un autre que c'est un espèce de whack a Kirby. Ah, c'est le fun, tu frappes des Kirby. Ouais, ouais. Il y a plusieurs types de jeux. Évidemment, c'est des mini-jeux, là. Vous n'allez pas passer 3 heures là-dessus, mais ils sont le fun, les mini-jeux. C'est vraiment cool. C'est une belle addition, surtout que. Il y en a facilement là, environ 15. Puis c'est très bon. Avoir 15 très bons jeux en plus d'une quête complète comme ça, c'est assez rare pareil. Là. Est-ce que ça marche comme des mondes que tu peux revenir un peu comme Kirby Adventure? Oui. Tu peux revenir faire le deuxième tableau si ça te tente, même si t'es rendu au 20e. Totalement, tu peux revenir faire les tableaux quand tu veux, parce que c'est important aussi pour un jeu comme ça, parce que tu veux tout le temps avoir un meilleur score, avoir plus de médailles. Des fois, t'as pas assez de Kirby. Ouais, c'est ça. Tu retournes avec ton paquet de Kirby faire ceux-là où est-ce que t'en manquais. C'est ça. Pour aller débarrer des affaires qui nécessitaient plus de Kirby. Là, exact. Ben c'est ça. C'est bon que tu le dises, parce que dans le premier tableau, c'est ça aussi. Tu passes à un moment donné à... Tu te dis, comment ça, je suis pas capable de faire ça. Tu passes devant une vigne, puis là, t'essayes de tu sautes dessus, puis là, ça fait comme... Il te faut 10 Kirby pour le faire. Fait que là, t'es obligé de revenir, puis quand tu reviens, ben tu peux c'est le faire. Fait que c'est le fun, t'as vraiment un incitatif à faire et refaire les tableaux. C'est super bien fait de ce côté-là. Puis côté musique, effets sonores, puis tout, là, c'est... Je dis, je suis totalement charmé. Là. Ouais, c'est tellement bon, c'est tellement... tellement agréable, tous les sons qu'il y a là-dedans. Le look, c'est le look Kirby. Oh, ouais. C'est super beau. Les petits jingles de Kirby, ça revient aussi. Là. Oui. Oui, c'est le même type, vraiment. On a gardé pratiquement les mêmes choses de Kirby, sauf les pouvoirs de Kirby. Ouais, t'as pas d'habitude à ça. T'aspires pas, là. C'est ça. C'est pas le classique de même, mais c'est une belle formule. C'est différent, puis c'est très original. C'est bienvenu. Ben, franchement, parce que Kirby... Malheureusement, Kirby, c'est un mal-aimé par plusieurs hardcore gamers. T'sais. Tellement. Et les hardcore gamers, j'ai l'impression qu'ils pensent vraiment que c'est un jeu pour les bébés, Kirby. Mais au contraire, c'est vraiment... c'est un jeu qui est assez difficile. Là. Essayez Superstar, puis vous m'en donnerez des nouvelles. T'sais, c'est pas un jeu qui est évident. Puis celui-là, c'est vraiment, à ce jour, un classique de la DS maintenant. Là, parce que sur la DS, il y a encore des jeux qui se font. Mais celui-là, il est vraiment bon. Je suis persuadé que ceux-là qui ont une 3DS attendent un bon jeu pour la 3DS. Ouais. Il est arrivé, là. Ouais. Prends ça en attendant un jeu de 3DS, là, c'est sûr. Là. Ben red, puis tu vas avoir du fun au bout. Moi, je trouve ça écœurant. Mais Satax, c'est un très, très bon jeu. La critique est unanime de toute façon. Ouais, c'est ça. Les critiques l'adorent, ce jeu-là. Puis je pense que c'est pas surprenant, finalement, qu'il y ait Kirby Wii puis Kirby Mass Attack dans la même année, parce que la formule va tellement... loin de la formule originale. Je veux dire, le concept, c'est pas ça, Kirby, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'ils se sont dit, on va quand même avoir des fans finis de Kirby qui vont vouloir l'original, parce que c'est un gros risque qu'ils ont pris en faisant ça. Ouais. Mais risque moins pari gros est gagné. Le pari est gagné, vraiment. Risque moins gros, je trouve, que Epic Yarn. Ouais, c'était comme tellement plus différent que ça. Mais là, c'est juste une autre méthode, mais c'est les tableaux, tu sais, la formule, ça se ressemble beaucoup. Là, c'est quand ça. Même. Mais puis tu sais, côté touch controls aussi, pour un jeu qui se contrôle seulement avec le stylet, j'ai essayé beaucoup de jeux de DS, puis c'est définitivement celui qui fonctionne le mieux, parce que il y a plusieurs choses à faire. Tu sais, des fois on va envoyer le stylet de gauche à droite, des fois on va taper, des fois on va envoyer en haut, des fois on va traîner le stylet avec nous, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs actions, plusieurs trucs à faire, tu sais. Fait que non, c'est vraiment cool. Un très, très, très bon jeu à acheter absolument. Bon, eh bien, c'est tout pour Rétro Nouveau cette semaine. Alors, merci beaucoup de nous écouter. On avait une tonne de jeux à parler. Moi, je suis en congé parental, fait que... Les épisodes rallongent. Les épisodes qu'on fait chez vous, là. Moi, je me couche tard. On fasse la run pour retourner chez nous après. Mais, j'avoue que c'est un peu rushant. Au fond, j'en fasse un chez vous quand même, là. Ah, ben là, en même temps, c'est toi qui viens d'avoir un petit enfant. Là. C'est toi qui courais sur l'heure du midi pour venir chez nous. Là. Fait que totalement. C'est correct, là. C'est rien que... Dans le fond, les épisodes sont plus longtemps. Pas... En fait, on avait d'autres choses qu'on voulait faire, mais en plus, on vous garde la surprise. Yes. Peut-être un truc différent, un peu une nouvelle chose. Oh, ouais. Pas juste du blabla. Exact. Mais on n'a pas le temps, là. Il est rendu minuit. Non, c'est ça. C'est ça. On va s'y remettre, puis on va vous revenir avec ça, mais on pense que c'est une idée quand même sympathique. Oui, totalement. Ben parfait. Fait qu'en tout cas, merci de nous suivre. Continuez à vous ajouter à notre Facebook et à notre Twitter. Ça nous fait bien plaisir de communiquer avec vous autres. Fait que c'est ça. Salut! Salut, à une prochaine! Retro Nouveau.